fait qu'on se sent vivre plus fort. Et ce cœur un jour trouva l'astre de sa vie, de ses nuits, à qui un jour son amour. Messieurs, quelqu'un si spécial, mais comment l'appelle-t-on encore? N'est-ce pas son âme sœur, son idéal, qui fait qu'on se sent vivre plus fort? Son plus grand ennemi, c'est soi-même, à partir du moment où on aime, en croyant que tout est acquis, en croyant. Mais comment l'appelle-t-on encore? N'est-ce pas son âme sœur, son idéal, qui fait qu'on se sent vivre plus fort? Tout simplement sa destinée. L'amour est une quête, un combat. On met parfois des années à trouver celui ou celle qu'on aimera. Mais finalement le plus dur n'est pas simplement de trouver l'amour, mais de le garder, qui perdure, c'est son combat de tous les jours. Mais ce quelqu'un si spécial, mais comment l'appelle-t-on encore? N'est-ce pas son âme sœur, son idéal, qui fait qu'on se sent vivre plus fort? Chance de survie.